Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Question passé 2 Question passé 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Quelle cravate as-tu porté? Quelle cravate as-tu porté? أية سيارة قد اشتريت؟ Quelle voiture as-tu acheté? Quelle voiture as-tu acheté? أية جريدة قد اشتركت بها؟ À quel journal t'es-tu abonné? À quel journal t'es-tu abonné? من رأيت؟ Qui avez-vous vu? Qui avez-vous vu? من قابلت؟ Qui avez-vous rencontré? Qui avez-vous rencontré? من الذي تعرفت عليه؟ Qui avez-vous reconnu? Qui avez-vous reconnu? متى نهضت من النوم؟ Quand vous êtes-vous levé? Quand vous êtes-vous levé? متى بدأت? Quand avez-vous commencé? Quand avez-vous commencé? متى انتهيت? Quand avez-vous arrêté? Quand avez-vous arrêté? لماذا استيقظت? Pourquoi? Vous êtes-vous réveillé? Pourquoi vous êtes-vous réveillé? لماذا أصبحت مدرساً? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? لماذا أخذت سيارة أجرة? Pourquoi avez-vous pris un taxi? Pourquoi avez-vous pris un taxi? من أين أتيت؟ D'où êtes-vous venu? D'où êtes-vous venu? إلى أين ذهبت؟ Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? أين كنت؟ Où avez-vous été? Où avez-vous été? من ساعدت؟ Qui as-tu aidé? Qui as-tu aidé? إلى من كتبت? À qui as-tu écrit? À qui as-tu écrit? من جاوبت? À qui as-tu répondu? À qui as-tu répondu?